بسم الله الرحمن الرحيم لليوم كلنا تدريب خامس نعم طيب حتى عدد دنا في النوم وشاكين تبدو فيها بطرواة ديس ها في الفاتينيام طيب سيارة كيف تقول خمس سيارات نعم أخت أربع أختين لا جم أخوات نعم طالبات ست طالبات مجلة ثلاث مجلات مجلة فمجلة مجلات نعم بنت ثماني بنات ساعة سبع ساعات طيب هل المجلات الكوريان جزء من شعر الألف؟ نعم جمع أنس سالم طيب ندخل في الدرس 21 وعليكم السلام واسمه مدرستي وكفات الفان on a rien fait si on l'a fait ensemble le fin c'est le Adad avec moins de 9 طيب يا ابو عمران يسلم عليك عليك السلام وعليك السلام طيب نقرا يقول هذه مدرستي c'est mon école هي قريبة من المسجد elle est proche de la mosquée هي مدرسة كبيرة c'est une grande école لها ثلاثة أبواب elle a trois portes أبوابها مفتوحة الآن et ses portes sont actuellement ouvertes في المدرسة فصول كثيرة dans l'école il y a beaucoup de classes هذا فصلنا ceci est notre classe وهو فصل واسع c'est une classe large ample فيه نافذتان كبيرتان il y a deux grandes fenêtres وفيه مكاتب وكراسي il y a dedans des bureaux et des chaises وفي سبورة كبيرة il y a un grand tableau هذا مكتب المدرسي c'est le bureau du professeur c'est quoi le genre de ma سبورات سبورات نعم وذاك كرسيه et cela est sa chaise وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم et ceci sont les bureaux des étudiants ainsi que leurs chaises. مكتب المدرس كبير le bureau du professeur est grand. ومكاتب الطلاب صغيرة et les pupitres des étudiants sont petits. في فصلنا عشرة طلاب dans notre classe il y a 10 étudiants. وهم من بلاد مختلفة et ils sont de pays différents. هذا محمد وهو من اليابان lui c'est Mohamed et il est du Japon وهذا خالد وهو من الصين et ça c'est Khalid et il est de la Chine وهذا أحمد وهو من الهند et lui c'est Ahmed et il est de l'Inde وهذا إبراهيم وهو من الغانا et ça c'est Ibrahim il est du Ghana وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا et lui c'est Ismaïl et il est du Niger وهذا يوسف وهو من إنكلترا et lui c'est Yusuf il est d'Angleterre وهذا بيرام وهو من تركيا et lui c'est Bayram je crois connaissais pas ce prénom à la base. Bayram, et il est donc de Turquie. Waza Ammar wa min Malaysia, et lui c'est Ammar, et il est de Malaisie. Waza Ali wa min America, et lui c'est Ali, et il est d'Amérique. Waza Abu Bakr wa min al-Yunan, et lui c'est Abu Bakr, et il est de la Grèce. Hum min baladin mukhtalifatin, et ils sont de pays différents. Wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun. Leurs langues sont différentes et leurs couleurs sont différentes. Walakin dinuhum wahidun. Cependant, leur religion est une. Wa rabbuhum wahid. Leur seigneur n'est qu'un. Wa nabiyuhum wahidun. Et leur prophète est un. Wa qiblatuhum wahida. Et leur qibla n'est qu'une. Wa alaykum assalam. Hum muslimun. Ils sont des musulmans. Wal muslimun ikhwa. Et les musulmans sont des frères. Hadha mudarrisuna. Lui c'est notre enseignant, notre professeur. Ismuhu al-Sheikh Bilalun. Il s'appelle Sheikh Bilal. Wa huwa min al-Madina. Il est de al-Madina, de Médine. Wa huwa rajulun salih. C'est un homme pieux. Nahnu nuhibbuhu kathiran. Et nous l'aimons beaucoup. Voyez. On va l'histoire de Fan Mourajaa se rappeler et Arlob de certaines de ses phrases. هذه مدرستي. قل يا رب محمد. هذه مدرستي. هذه. Juste tu veux le. Aïwa. Aïwa. Ou Moudaf ou le Yamutakali Moudaf Ilay. Madrasa Moudaf ou le Yamutakali Moudaf Ilay. Ya Karibatun. Ndek Abdul Qadir. Ya Karibatun. Ya Moutada. نعم قريبة خبر نعم من المسجد هذه هي صفة مبتدأ هي صفة مبتدأ هي ها مبتدأ صفة الإعراب on dit on prend juste l'irlab mais ça c'est pas dans l'irlab pour l'instant on prend juste le mubtada khabar le fi'l ou tout comme ça on prend pas min el masjid c'est quoi min نعم مسجد مضاف إليه مضاف إليه أخي حكشة اسم إيش اسم مجرور خلاص فقط عاد مدرسة اسم مكتوب نعم هي مدرسة كبيرة هي مبتدا نعم مدرسة خبر نعم كبيرة أحسنت لا ثلاثة أبواب هذه هي مدرسة كبيرة نعم لها ثلاثة أبواب لها ثلاثة أبواب. ثلاثة إذن لها سكوا. إذن لها سكوا لا. تروح ال premiers celui-là tu trouves celui-là. خبر مقدم. نعم. أبواب ودم ثلاثة سكوا. تدي مبتدا مؤخر. نعم ثلاثة. أيوة مبتدا ثلاثة مبتدا مؤخر. أبواب. مضاف إليه ثلاثة أبواب. Abouab il n'aura jamais pu être rabbin. Le barna il n'aura pas été droit. Abouabouha maftouhatoun el ana. Andek. Abouabouha. Abouabou. Moussala. Naam. Maftouha. Et les moudaf. De quoi Abouabouha moutada ou moudaf. Ouah moudaf parce que c'est le ha qui est là. Voilà, ha moudaf il est. مفتوحة مفتوحة إلى خبر والآن والآن ظرف ظرف زمان نعم لوتي دون مدرستي لوتي مدرستي في خبر وحتى في مدرسة وصا وكل مدرسة مضاف إيه كي مضاف لا مدرسة تو في مضاف لوتي شو كوا في مضاف ليش صح donc le titre non non la première phrase أيوة مدرسة خبر إلى مضاف اللي هي مضاف إليه ف C'est ça qui est bizarre, c'est que des fois, le mot, il n'y a rien. Comment ça, le mot, il n'y a rien? Je sais pas, comme là, tu vois, Bouaz, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Il est Moudafilaï. Ouais, mais je veux dire, il rentre. Un Moudafilaï. Taïeb, bon, on va se contenter de ça, le reste, c'est les mêmes dialogues. Taïeb, Yakoul, Adib, Anel Asilatil Atiya. Donc ça, c'est les réponses. J'ai besoin de relire le texte, donc ça vous le ferez, Inch'Allah, fil bayt l'iradim. Là, je vois Amla, mais... C'est un truc qu'on n'a pas vu. Ah Am. Il est où Am? Amoghlaqatun Mafthouha. Am c'est half a'ad, c'est là que je veux dire. Où? C'est une. Où? C'est pas Am ou? Hein? Am. Am aussi, il peut dire. Quoi? A, c'est pas half a'ad, c'est A. Am. Am, ouais. Vous voyez? Est-ce qu'elles sont ouvertes ou sont-elles fermées? Donc on a vu. Elles sont ouvertes ou fermées? Donc c'est où? On a vu que Wa et Am pour l'instant dans half a'ad. Naam. Am là c'est Hafarab, c'est pour le choix, pour dire ça sera duré par où. Taïeb. Summa kazalik, tadalib al-Sahani yakul, dor, hadi al-alamata, là il y a une espèce de V là, amam al-jumali al-sahiha, ou al-alamat, en forme de quoi, amam al-jumali al-latif laissat sahihatan. C'est-à-dire que là on a des phrases qui sont exposées, et certaines sont correctes, et d'autres ne le font pas, par rapport au texte. Hein. Donc vous mettez le signe qui correspond, quand elle est vraie, vous mettez un V, et quand la phrase elle est fausse, vous mettez une croix. Et ça, il faut revenir au texte, pareil. Allez, donc ça sera fil bayt kadhalik. Fal awwal wa thani fil bayt. Mafhoum el tadrib. Taïeb. On répond juste, si ça correspond, le V, si c'est pas bon, la croix. En fait. Et l'autre, c'est répondre aux questions, par rapport au texte. Taïeb. Et là, le but de ce ders, c'est un tamhid, c'est un préambule sur ce qui va venir derrière. C'est le ders, al-mamnour min al-sarf. Voyez, c'est enfin les mots qui ne prennent pas de tanwin. Voyez, ils ne prennent pas de tanwin. Et quand ils sont majrour avec une fatha et pas une kasra. Et en fait, c'est ça le but de ce texte-là. Comme par exemple. Ah ouais, c'est une entrée dans ceux qui viennent derrière, en fait. Là, on fait le nouveau ders. On va, ouais, non. D'abord, on prend. Il dit Ufkur al-Bilad al-Walida fi Dersi min Asia wa Ifriqiya wa Europa. Il vous dit de sortir les noms des pays qui sont d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Ils sont dans le test ou on les cherche maintenant? On le fait maintenant, Inch'Allah. Donc, Awalan Yakul. Fi Fos Linar Jatutu. La touche à Wish. Eh, là tu cherches à tout le monde, il y a l'arabe. Eh, Asia, c'est l'Asie. Ça y est, c'est aussi un prénom, mais c'est pas pareil. Asia, Kana, Mratun, Fil'aoun, c'était la femme de Fil'aoun. Al-Aïn. Tu fais cela, Achatou tout le monde. Hum, min de la dîme Murtadifatin. Aza Mohammedun, wa wam al-Yaban. Al-Yaban, aïnahu. C'est où ça? Asia, le Japon. Une Asia. Yaban, c'est quoi? Japon. Ouais. Puis Asia. Ah, il parle de continent? Non. Ah, là, t'es retourné au texte? Bah oui. Ah. Pour trouver les pays qui sont dans le continent cité dans l'exercice. Aza Khalidun wa Wabin Asin. Asin min Aini Mohammed. Chin. Aïe, ouais. Là-bas, en Asie. Taïeb, l'Arabie, c'est quoi? Asia. Taïeb. وهذا احمد من اسيا او في اسيا نعم وهذا احمد وهو من الهند الهند اين ايضا اسيا نعم هذا ابراهيم وهو من ومن غانا غانا اين غانا غانا في افريقيا افريقيا نعم في هذا كيف اقول لك في هذا التمارين سنجعل كل اسم لا خاصة فالآن سنجعل واحد فقط كيف؟ إذا مثلا نريد أن أفعل التوريد الآن. أيوه. وسألت اليابان فقط أم سألت اليابان وش؟ كل البلاد في معها هذا من آسيا وهذا من أفريقيا وهذا من أمريكا. أيوة. في أمريكا. كل الأسماء التي جاءت الآن. أسماء البلاد. وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا. نيجيريا أين؟ نيجيريا من أفريقيا. في أفريقيا نعم. وهذا يوسف وهو من إنكرترا. إنكرترا أين؟ أوروبا. وهذا بيرامو وهو من تركيا. تركيا أين؟ تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا. ماليزيا أين؟ نعم. وهذا علي وهو من أمريكا. أمريكا. نعم. وهذا بكر. أمريكا أمريكا. أفن أمريكا في أي كونتينو؟ ليه؟ بس هذا من بلاد آسيا أو نعم. أفريقيا. فأمريكا يخرج لكن أمريكا أمريكا معروف. وهذا أبو بكر وهو من اليونان. أين اليونان؟ نعم صحيح. فرنسا. ما ديسي با مون فيس سيت بلا. أعطيه الغطاء. أعطيه الغطاء. لا. لا لا. يبغى يجوي. لا. نعملو في الدرس. مفهوم؟ عنده في الدرس تعالوا هنا. تعال إلا. طيب. Donc là on a certains noms dans ce texte qui sont comme on dit ممنوع من الصرف. طيب. Ce sont des noms qui ne prennent pas de tanwin. Et lorsqu'ils sont majrour, ils sont majrour avec une fatha et pas avec une kafra. C'est leur particularité à ce nom-là. Et c'est certainement spécifique. Là, les devs qui vont arriver. Oh, Alexandre. Les devs qui vont arriver vont vous donner, on va dire, un extrait de ce chapitre. Hein? Hein? Nassar, c'est-à-dire qu'ils sont, ils prennent pas de tanouin et ils prennent pas de fatha de kafra pendant le. Dans le jar. Et donc parmi eux, on va citer certains. Il y a, مثلاً, déjà Asma al-Bilad. Asma al-Bilad. Asma al-Bilad. Vous voyez, on a là, les Hindi, ils ne rentrent pas dedans. Mais tout ce qui se termine avec un alif. Là, on rentre dans le 22. Là, d'abord, on finit le 21. مثلاً, Ghana, wa Nigeria, wa Inkratara. Ou à Turquie, tous ces noms qui finissent avec un alif à la fin, les noms de pays, ils rentrent dedans. Seulement eux, le truc qu'il y a, c'est que le alif, il prend pas de haraka, donc ça ne verra pas en fait. Donc c'est pas, ça ne causera pas de problème à la base. Et les noms étrangers, les noms propres étrangers, Asma, Alam, Al-Arjami, comme on l'a dit, Miss Ibrahim, Youssouf, tous les noms étrangers qui sont non arabes, ils rentrent dans ce chapitre-là. Ils prennent pas de tanouin, voyez. Et lorsqu'ils sont majeurs, c'est qu'une patra. Mohamed là. Mohamed Arabi, Malak. Mohamedoun. C'est du Mohamedoun, voilà, salam tout à la Mohamedin. Il ne rentre pas dedans. Vous voyez ? Donc c'est ce qui arrive dans le Ders Asani wa Ishrin. Asafi Ali Tanwin wa Kafra. Filjar, Nam. Là, justement, il va venir avec un échantillon de ce nom. Voyez. Nakra. Manu de Niakara, qui c'est qui veut lire le texte 22? Hamidun Tabibun. Naam. Zawjatuhu Mudarrisatun. Ismuha Amina. Hamidun Lahu Arba'atu Abna'in. Hum Hamzatu wa Uthmanu. Wa Ahmadu. Wa Ahmadu. وإبراهيم أحمد وحمزة الطالبان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب Kaflan. Kaflan, c'est ça? Naam. قال يوسف عندي خمسة أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب عندي مناديل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر ومنديل أخضر يعني هذا قالت لا ما عندي منديل أخضر منديل أخضر نعم قالت طلحة عندي مفاتيح كثيرة هذا مفاتيح الغرفة وهذا مفاتيح الحقيبة وهذا مفاتيح السيارة قال سفيان في بلادنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء لا هم مدرسون هم في شدة أم أين مدرسون لا نعم على الله مدرسون مدرسون وهم علماء كبار رد طيب أضعوا تجربة تكست donc là il veut quoi c'est écrit là le nom des gens même nom bien sûr et dans ce texte là il a exposé plus d'un nom parmi ceux qui sont min al-asma al-mamnu'a min al-sarf ism al-mamnu' min al-sarf voyez et il y a des catégories il y a des règles pour les trouver mais là aujourd'hui c'est dans ce kitab là c'est juste une entrée voyez c'est une entrée dans le chapitre kafina adabab wa asia c'est un def qui est long et qui est dans les kutub qui sont au-dessus de celui-là donc là c'est juste pour vous aider à définir certains de ces noms là voyez donc là on va se contenter de mémoriser ces noms pas forcément de savoir quelles sont les causes et quelles sont leurs catégories sinon ça va être trop long et c'est pas dans ce def là voyez bien cool Hamidun tabibun. Hamid est un médecin. Zojatuhu mudarrisatun. Et sa femme est une enseignante. Ismuha Amina. Donc regarde Amina. Son nom est Amina. Amina, on avait dit quoi? Isma alam mu'annas. Les noms féminins, les noms propres féminins, ils rentrent dans cette règle-là, ils sont mamnoun nasaf. Même si c'est de nom arabe, si c'est un nom féminin, nom propre, tu dis Aminatou. Ça y est? C'est un nom propre féminin. Qu'il soit arabe ou qu'il soit. Non, il prend pas de tanwin. Ah ouais. Et dans le jar, tu prends le fatha. Par exemple, je veux dire, salam tu ala aminata et pas aminati. Voyez? Donc amina, il rentre dedans. Donc tous les noms, alam, mouannef, même si c'est des noms de lieu, mekka, ça rentre là-dedans. Voyez? C'est nom propre. C'est pas forcément nom de femme. Même si c'est des noms de lieu. Même des noms de lieu. Comme les noms des pays là qu'on a dit, il rentre là-dedans. Isma alam. طيب والنف حامد له أربعة أبناء حامد أكاد جاسون هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم إيسو حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم وأحمد هذا صحيح donc حمزة il rentre dans quelle règle non bien soit un masculin mais son apparence est féminine عثمان il rentre dedans طيب Les noms qui finissent comme ça avec Alif ou Noun à la fin, Othman, Sofiane, Redouane, tu vois les noms comme ça, quand c'est des noms propres, voyez, ils prennent, ils rentrent dans cette règle-là, voyez, ils prennent pas de tanwin et ils sont majeurs avec la kasra. Non, tu dis, salam tout à la Othmana, par exemple. Non, j'ai trompé, non. Ou Ahmadou. طيب احمد il rentre dans les asma mamnoun nasarf tout ce qui vient avec la forme af'al comme le nom des couleurs akhdar طيب ahmar ahmed tout ce qu'on se passe cette apparence là il rentre là dedans طيب les noms des couleurs et les noms des gens طيب et les aussi les couleurs Hein? Les couleurs. Ça va venir après. Ah bon? Naam. Ou par exemple, tu vas dire Akbar. Tu vas dire Masalan Allahu Akbaru. Tu vas pas dire Allahu Akbarun. Parce que Akbar, il ressemble à Ahmed, il ressemble à Asfar. T'as le Alif, après t'as une harf sakin, après t'as une harf maftour. Akbar, c'est Afal aussi, c'est mis à la fin. Ça, il a l'apparence d'un fial. Vous voyez ? Wa Ibrahim. Ibrahim, c'est quoi ? Lui, c'est Ism Alem Ajami. C'est les noms propres non arabes. Donc, on a déjà pris que ces noms-là, vous voyez, ils prennent pas de tanwin et ils sont majuroux avec la fatha. Tu dis, salam tu ala Ibrahima. Taïeb. Ahmed ou Hamza tout taliban. Ahmed ou Hamza sont deux étudiants. Donc, Ahmed et Hamza, on a dit que c'est Mamnou Nassaf. Ahmed ou taliban mouchtahidoun ou Hamza tout taliban kaflanou. Ahmedou est un élève studieux et Hamza est un fainéant, c'est un cancre. Qale Youssouf. Qale là c'est quoi? Fièrement dit qui veut dire a dit. Dire. Donc Youssouf dit. Youssouf a dit. Youssouf, il rentre dans quel bab? Ismaalem Arjami. C'est mon propre nom arabe. C'est un fial. Fièrement dit. Qui veut dire a dit. Nam. Et Youssouf là il est fiel. قال يوسف يوسف كدي معتل لا لا خطا عفوا قال اجوف c'est pas mortel donc ton livre ils ont dû faire une erreur ou toi t'as peut-être mal lu. En tout cas c'est vraiment pas mortel. Quand vous allez apprendre ce truc là vous allez voir c'est un ajwaf, celui qui a un half au milieu qui est waou alif ou ya, et là c'est alif, là c'est une erreur. Ou alors peut-être qu'ils ont une autre terminologie. Alors, là. Toujours est-il que Youssouf Yakoul. Parle Youssouf. Youssouf il dit Indi Khamsatu Aqlamin. J'ai 5 stylos. Haza Qalamun Ahmaru. Ça c'est un stylo rouge. Donc regarde, Ahmaru, c'est une couleur. Ça ressemble à Ahmed. Ça ressemble à Akbar. Donc ça ne prend pas de tanwin. Et dans le jar, il sera avec une fatha. Donc il n'y a que dans l'adab que le truc il change, sinon. Hein? Et que dans la date qu'il y a un changement. Quelle date? Féminin avec masculin. Non, non. Wahaza Qalamun Azraku. Et ça, c'est un stylo bleu. Bon, Azrak, ça y est, c'est une couleur. C'est comme Ahmar. Ça y est, donc il ne prend pas de tanouine. Il dit Azraku. Wahaza Qalamun Ahdaru. Et là, c'est un stylo vert. Ahdar, ça veut dire vert. Donc Ahdaru, pareil. Il ne prend pas de tanouine. Ça y est. Waza Qalamun Aswadu. Et là, c'est un stylo noir. Donc, Aswadu, ça veut dire noir, et pareil, c'est les couleurs, ils rentrent dans la même règle. Waza Qalamun Asfaru. Ça, c'est un stylo jaune. Asfar, ça veut dire jaune. Qalat Zainabu. Ça y est, Qalat, là, c'est pareil, on dit Safir Mahdi, qui veut dire Adi. Zainab, c'est le fa'il. Zainab, Isma'alam Mouannas. C'est un nom propre féminin. Donc, pas de tanwin. عندي منادير كثيرة. J'ai beaucoup de mouchoirs. Donc regarde, منادير, on a dit que tout ce qui vient comme مفاتيح, مساجد, منادير, فنادق, tous les diables qui ressemblent à ça, qui ont cette apparence au wazn, ils sont mamnou mesaf. Vous voyez, mamnou mesaf. Allez, les pluriels qui viennent avec cette forme-là, ils sont mamnou mesaf. طيب مكاتب كراسي طيب فعل هذا فعل on dit ce qu'on fait pas en cela quand c'est un jam il est mamnoun ça il prend pas de tanwin. هذا ابيض celui-là il est blanc donc ابيض لون طيب qui veut dire blanc. وهذا اصفر et celui-là il est jaune. اصفر c'est une couleur donc on a dit pareil il prend pas. Waza Ahmaru, celui-là est rouge. Ahmar, Mamnou Nassar. Waza Azraku, Azrak c'est bleu. Qalat Laha Fatimatu. Et Fatima lui dit Laha à elle. Vous voyez, Fatima dit à Zainab. Fatimatu Isma'alam Mouannas. Donc, pas de tanouin. Vous voyez. Et Indaki Mindilun Ahdaru. Elle lui dit est-ce que tu as un mouchoir vert, parce que là c'était plein de couleurs, elle a cité Zainab, elle a cité le blanc, le jaune, le rouge et le bleu. Alors Fatima lui demande, Aindaki, Mindilun Akhdaru. Est-ce que tu veux un mouchoir vert? Donc Ardor, on a dit quoi? Il rentre dedans. Qalat ay Zaynab, qalat la ma indi min dilun ahdaru. Non, je n'ai pas de mouchoir vert. Qala Talhatu. Talha, il rentre dans quelle règle? Il rentre dans celui qui est ismu alam muannath. Donc le muzakkar et son chakl muannath, son apparence muannath. Donc il dit Talhatu. Indi mafatihu kathira. Donc regardez, j'ai beaucoup de clés. Mafatih, il est comme manadil, comme masajid, tu vois. Là, cette apparence-là, donc, il ne prend pas de tanwin. Hada miftahul ghulfati. Ça, c'est la clé de la chambre. Wahada miftahul haqibati. Ça, c'est la clé de la sacoche. Wahada miftahul sayyarati. Et ça, c'est la clé de la voiture. Donc là, il n'y a rien. Kale Sofianu. Donc, Sofian, c'est les noms propres qui ont alif et nun à la fin. Comme Othman, Sofiane, Riyad, Sofwan, ainsi de suite. Ces noms-là, ils ne prennent pas de tanouine. Qala Sofianu, Sofiane a dit, Fim Beladina, Masajidu, wa Madarisu, Kathiratun. Baladina. Fim Beladina. Je ne peux pas dire Beladina. Hein? Là, c'est un moufrad, là. Dans notre pays, il y a beaucoup de mosquées et d'écoles. Donc regarde, Masajid, il est comme Manadil, il est comme Mafatih. En Madaris, Kazalik, Madaris c'est le jeune de Madrasa. Vous voyez, Madaris, il ressemble à Masajid, Mafatih, ainsi de suite. Donc il rentre dans la même règle. Il ne prend pas de Tanwin. Ou à Fanadikou Kalila. Donc Fanadik, pareil, il ressemble aux autres. Vous voyez. Et peu d'hôtels, il y a peu d'hôtels. Ahaoulaï Atibbaou. Est-ce que ceux-là sont des docteurs, des médecins? Donc regardez, les jams comme Atibbaou, Asdiqaou, Ulamaou, ainsi de suite, vous voyez, ils prennent aussi cette règle-là. Et vous pouvez les juger par quoi? Par leur apparence. C'est le pluriel qui finit par un alif avec un hamza derrière. Il y a d'autres règles encore derrière, ça c'est la règle de base. Parce que tu as d'autres mots, par exemple Abdoumer, il ressemble à ça, pourtant il rentre pas dedans. Après, tu as par rapport au nombre de lettres, par rapport à l'origine, c'est un truc qui viendra après. La règle de base, là, d'origine, c'est le pluriel. Ça y est, ou même, c'est pas un pluriel, les mots, des fois c'est même pas un pluriel. Des fois, t'as des mots, c'est des moufrad, mais ils ont cette apparence-là, qui finissent par un alif et un hamza derrière. Ça y est, halif mamdouda, ça s'appelle halif mamdouda, alif mamdouda, ils rentrent dedans. Ça y est, ulama'u, ça y est, comme ça venir maintenant là. Là, hum mudarrisuna, wa hum ulama'u kibarun. Non, ce sont des enseignants et ils sont de grands savants. Vous voyez, Falal Shahid c'est Walama'u. Vous voyez, ils n'ont pas dit Walama'un. Non, Jamuzakar Salim. Eh Okrob. Sal. Sal, Nach. Ça y est. Donc, je vous dis, ça c'est juste un préambule dans le chapitre. Ça y est, normalement c'est plus large que ça. Et quand on veut apprendre les règles, ça va devenir, on va dire mathématique. Tu vois, ça va devenir mathématique. Je lis. Donc là, les arabes de Hada, Miftah, Wolfa. هذا المبتدا مفتاح ابا مضاف مضاف مضاف اليه عند انه طيب الان يبدوني السويت ان سيري دو نوم parmi les noms des mamnoum de sarf qu'on a déjà vu précédemment dans le texte. يقول الممنوع من الصرف الانواع الاتيه من الاسماء ممنوعه من الصرف. Donc les noms suivants, les catégories de noms suivants sont des noms mamnoum min sarf. Awalan, Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aishatu, Makkatu, Juddatu. Ça c'est quoi? Quelle catégorie c'est là? Ism alam muannath. Hamzatu, deuxièmement, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Ils rentrent dans la même catégorie ceux-là. Dès qu'ils sont masculins, ils ont une apparence féminine, donc ils rentrent dedans. Ces noms-là prennent le franc comme des noms précédents. Salifan, Aouled Alif, Othmanou, Afanou, Sofianou, Marwanou, Nourmanou. Ce sont les noms propres, vous voyez, ce sont les noms propres qui finissent avec un Alif ou un Noun. Vous voyez, les noms propres qui finissent avec un Alif ou un Noun. Et Ba, deuxième catégorie, Kaslanou, Jouanou, Rotchanou, Shab'anou, Mel'anou. Et là, ce sont les qualificatifs qui finissent par un Alif ou un Noun. Vous voyez, on l'avait déjà pris ça précédemment. Rotchanou, Radbanou, on a dit qu'il ne faut pas de Tanouim. Vous voyez, et eux ne sont pas des noms propres. Eux sont des Sifa. Vous voyez, c'est des Sifa. Et ils ont Alif ou un Noun à la fin. Ijlis. Ijlis au scout. Vous voyez, donc eux pareil, ils ne prennent pas de Tanouim. Et ils ne prennent pas de Kasra dans le jar. Rabian. Alif, il dit Ahmedou, Anwarou, Akbarou, As'adou. Donc les noms qui viennent à cette apparence, à l'apparence de est l'apparence Afail. Et ce sont des noms propres. Vous voyez, ce sont des noms propres. Ba, il dit Abiyadou, Aswadou, Ahmarou, Asfarou, Ahdarou, Azrakou. Donc ça, ce sont les noms de couleurs. Et ils ont la même apparence que les noms précédents. Comme Ahmed ou Anwar ou Akbar ou Assad. Vous voyez, c'est leur apparence en fait qui doit rentrer dans les gens. Khamisan, William, Eduardo, London, Baris, Pakistan, Baghdad, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yunus, Yunus, Yusuf. C'est quoi? Scout. Au scout. C'est les Ismaalem al-Arjamiya. C'est-à-dire c'est nom propre, nom arabe. Mais Bardad, c'est nom propre, ça? Mais les noms de ville aussi, on c'est nom propre. S'ils sont étrangers, non? Même en même en français, c'est des noms propres. Bah oui. Par exemple, la France, c'est un nom propre. Bah oui, c'est un nom propre. Ah ouais. C'est un nom propre. Ishaq, je ne sais pas si c'est un trait comme ça. Il y a Ishaq. Un... Ah, il y a Ahmed. Tayyib. Saadisan. Il dit. Alhamdulillah. Il y a des conseils au bas à la combe. Orniaou, Azikaou, Akouyaou, Antibaou, Foukaraou, Ouzaraou, Zoumalaou, Rolamaou. Donc là, on a vu, c'était quoi? Le djem qui finit par un alif mamdoud, avec un alif avec un hamza derrière. Il n'y a pas que des djem, il y a aussi des noms propres, des noms moufarad, qui prennent cette règle-là et qui viendront plus tard, Inch'Allah. Comme je dis, ça c'est un préambule seulement. Djim. Masajidou, Madarisou, Fanadikou, Makatibou, Dakaikou. Dakaik, c'est djem de Dakika. C'est djem de minute. Manadilou, Mafatihou, Fanadin. Fanadin, c'est le djem de Finjan. Finjan, c'est une taf. Hein? De quoi? Finjan, c'est une taf. C'est une taf avec une lance. Et c'est quoi le Finjan? Wakarasiyou. Donc tout ce pluriel-là, sur cette apparence-là, vous voyez, il rentre dans ce jugement. Ça y est. Vous avez compris ça? Ça, après, c'est juste du hiz après. Pour les minutes, il n'y a pas un truc spécial. Ouais, c'est pas pour dire une minute, c'est du coup. Dakika. Voilà. 5 minutes. Khamsa dakaik. C'est de 1 à combien ça? 1 à 10, c'est ça? Non. 1 à 10. 3 à 10. Ouais, de 3 à 10, c'est dakaik. Et après, c'est quoi? Ça viendra après. Vite fort. Et au scout, dans le PDF. Wahed dakika, Ismail dakika. Hein? Wahed dakika. Allez, Kaboun Mouraja. La Djakhalaf. C'est-à-dire que tu as déjà transgressé les règles qu'on a appris des nombres. Ah, des nombres. Allez, ouais, tu as déjà transgressé. Révise et tu feras comme on dit. On a appris comme on dit. Ouais. Eh ben, révise et tu feras comme on dit. Alors, ce que tu as dit là, c'est faux. Ce que tu as dit là, c'est faux. Mais on a dit. C'est qu'on comprend ce que tu veux dire, mais ouais. Point de vue Laura, toi, t'es chez les Salaf, T'as regardé comme ça. T'aurais dit toi, va apprendre à parler. On n'a pas dit ça. Non. Va reprendre le hukm de Wahid. On a dit quoi sur Wahid? Révise, tu sauras comment on dit, comment on l'emploie. Révise-le, tu sauras. Le dis pas, laisse-le. Non, laisse-le patauger. Patauge. Et demain, je t'interroge. Inch'Allah. Yann Barret, t'as-tu dit le sahih? T'as intérêt à dire que la bonne réponse. Sinon, c'est que le bateau, comme tu voulais, tu le comptes tape. Tu voulais qu'on te tape? Ça y est. Hein? Écoute pas ce qu'eux te disent. Prends les règles. Ça y est. Si tu prends la religion par rapport aux gens, tu vas être perdu. Demain, tu vas faire le Mouhoulid, tu vas faire l'anniversaire du prophète Mohammed Sallam. Tu vas prendre un chapelet, tu vas faire. C'est pas les gens. Ça y est. C'est pas les gens. Ça y est. Tamarine. Il dit Ikra al-Kalimat al-Atiyah wa aktubaha ma'a dhabt aw akhiliha. Donc ça va être pareil. L'iradin, inchallah, pour demain. Tous ces mots-là, là, vous devez mettre, s'il y a tenouine, vous le mettez. S'il n'y en a pas, vous ne mettez pas. Ok, et le juste daqa'iq, c'est masculin? Non, c'est féminin. C'est le pluriel de daqiqa. Daqiqatun. Vous voyez? Donc ça, pour demain, vous mettez les harakas. S'il y a tenouine, vous le mettez. S'il n'y en a pas, vous ne le mettez pas. Vous voyez? Ils ont mélangé entre les noms qui sont mamnoun au sauf et d'autres qui sont normaux. طيب الكلمات الجديدة الفنجان الجم فناجين وديك سنتا طيب attention c'est pas un nom propre c'est pas un sifa donc il rentre pas dedans طيب الفنجان سنتا نعم ها المدرسة الجم مدارس مدرسة معروف المسجد الجام مساجد مساجد معروف الدقيقة جام دقائق دقيقة c'est la minute قال c'est un فعل c'est un mot qui veut dire طيب tu dis قال الله تعالى c'est Allah سبحانه وتعالى il a dit طيب et قالت c'est هي c'est elle a dit et le ta comment s'appelle le ta là تانيث ساكنة نعم المنديل جم مناديل طيب سي المشوار المفتاح جم مفاتيح طيب اي في الجمله انا دي كو كريتي ممنوع من الصرف ابيض سي بلون احمر سي روج اخضر سي فير اسود سي نوار ازرق سي بلو اصفر سي جون طيب مفهوم هذا Franchement, c'est qui le plus enfant de vous deux? C'est ça qui provoque. C'est ça qui provoque. Taïeb, Aïlahouna. Alhamdulillah.